D'accord. Pourquoi? D'accord. Voilà. Quels sont les bons souvenirs que tu as de Gégé? Que j'avais bien rigolé avec lui. Au début, il était sympa. Trois mois. Quel est le pire souvenir que tu as de Gérard? De piquer mon argent. Vraiment pas prenez. Aujourd'hui, si Gérard, tu l'avais en face de toi, quelles sont les questions? Qu'est-ce que tu lui dirais? La première chose que tu auras envie de lui dire, c'est quoi? Tu pues, ouais, c'est vrai, il se lave pas. Tu vas te laver les fesses, tu pues. C'était quoi la position préférée de Gégé? Bah, il montait sur moi, c'est tout. Il fait vas-y, c'est bon. Tu sais qu'est-ce qu'il aime bien? Ah non! Mettre un coton-tige dans son cul. Quelle est la dernière chose que tu dirais sur Gérard? Un con. Moi? Le roi. Le roi des cons. Ouais. Mais,